cherche encore un monde ailleurs, où les trésors ont d'autres valeurs. Je cherche encore la perte de conscience. Ce corps sans connaissance, voir sans sortir, sans faire de mal. Laisser partir une poussière d'étoile, et me laisser croire juste une dernière fois que toutes les histoires se ressemblent pas. Les trésors ont d'autres valeurs, et me laisser croire juste une dernière fois que toutes les histoires ne se ressemblent pas.